À l'occasion du 90e anniversaire de la Constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, l'exposition de livres, de timbres et d'objets d'artisanat coréens est ouverte le 27 octobre au Musée des Beaux-Arts de la ville de Mutsu-shi, de la région de Moscou de Russie. Dans la salle d'exposition était exposée la photo du général Kim Jong-il qui rencontre le président russe Poutine. Y étaient exhibées les œuvres classiques du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les livres et les timbres montrant la Corée en essor sous la direction du parti, et les objets d'artisanat empreintes de l'intelligence et du talent de notre peuple. Y ont pris part les personnalités de différents milieux du Mutsu-shi, de la région de Moscou et les habitants. Les participants ont tout d'abord déposé les bouquets de fleurs devant la photo du général Kim Jong-il qui rencontre le président russe Poutine avant de formuler l'hommage.